Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Pas de rediffusion mais de l'inédit pour la dernière émission de la saison. Très heureux de vous retrouver. À quand remonte le premier texte en français? Comment l'orthographe et les règles de grammaire se sont-elles transformées au fil des époques? Y a-t-il des raisons d'être inquiet pour l'avenir de notre langue? Dans un instant, nous nous intéresserons à l'histoire et à l'évolution du français avec la chercheuse en linguistique Laëlia Véron. Vers 15h45, enceinte connectée, chatbot et assistants vocaux, le psychiatre Serge Tisseron nous dira quels impacts pourraient avoir sur notre société toutes ces machines parlantes de plus en plus présentes dans nos vies. Et en deuxième heure, nous décollerons pour un voyage cosmique et futuriste avec l'astrophysicien Sylvain Chatty. Nous nous intéresserons aux vols spatiaux habités et à la possibilité pour les humains de s'installer un jour ailleurs que sur Terre. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par David Leprince et Frédéric Milano et préparée par Sophie Vaux et Thomas Lehété. France Inter. Primo Loinel, vous allez me conjuguer pour demain, à tous les temps, de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif. Du vent dans les synapses. Je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française. Daniel Fievé. Ah, elle va être un peu belle la France dans 10 ans. Bonjour Laëlia Véron. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en stylistique et en langue française à l'université d'Orléans et vous avez publié avec Maria Candéa, également chercheuse en linguistique, Le français est à nous aux éditions La Découverte. Alors quand j'ai annoncé le sujet d'aujourd'hui autour de moi, il y a eu quelques étonnements. Ah bon, vous allez parler de la langue française dans une émission scientifique? Vous êtes bien chercheuse, hein, chercheuse. Je suis bien chercheuse. Et la linguistique est bien une science. Tout à fait, c'est une des matières du CNU, hein, d'accord. On est qualifié en sciences du langage, en section sciences du langage. Ouais. Alors quel type de recherche on fait quand on travaille la linguistique? Alors moi au départ je suis en stylistique, donc c'est entre la recherche en linguistique et en littérature, mais ma collègue qui est vraiment en linguistique, ça va être mener par exemple des enquêtes de terrain pour étudier la manière dont les gens parlent, travailler sur des corpus et essayer d'en tirer des analyses. Après il y a plusieurs branches dans la linguistique, il y a la lexicologie, il y a la syntaxe, il y a la sémantique, il y a la phonétique. Ma collègue elle est spécialisée en sociophonétique. Ah oui. Donc vous voyez il y a beaucoup de choses. Il y aurait de quoi faire plus d'une émission en fait. Alors vous précisez dans votre livre, le rôle de la linguistique n'est pas d'arbitrer et de dire ce qui est français et ce qui ne l'est pas, mais d'explorer toutes les formes que peut prendre le français. Oui, ça va être difficile de faire les frontières entre ce qui est français et ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a plein de mots qui se baladent déjà entre plusieurs langues. Par exemple, le mot sucre, on donne cet exemple dans notre livre. Voilà, il est passé par l'italien, par l'arabe, par le grec, par plein de langues. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est arabe? On peut pas vraiment le dire. Pareil pour plein de mots qui nous viennent de l'anglais, mais qui viennent au départ du français. Bref, les mots se baladent partout. Et nous, on n'est pas, effectivement, on n'a pas une attitude normative pour dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit ne pas dire, mais on essaye de décrypter la manière dont on parle et de comprendre ça. Ouais, comprendre la langue. Alors, c'est un objet d'étude particulier. Une langue, ça naît, ça évolue, ça meurt. En tout cas, c'est pas comme... on prend la métaphore du bijou, parce que des fois, les gens nous disent qu'il ne faut pas toucher à la langue française. Comme si c'était un bijou qu'on mettait dans une boîte, ah oui. Il fallait absolument pas y toucher, il fallait le protéger. Non, effectivement, une langue, c'est fait pour évoluer. Et son évolution, c'est ça qui la rend vivante, justement. Une langue qui ne bouge pas, qu'on veut laisser dans une boîte à laquelle on ne veut pas toucher, c'est justement là qu'elle va mourir. Alors, est-ce que l'on peut donner une date de naissance au français? Alors la date qu'on donne d'habitude, c'est 842, les serments de Strasbourg, mais c'est toujours un peu artificiel, parce que si je lis le texte, oui. Par exemple... Il y a quelques lignes de ces serments de Strasbourg dans votre ouvrage, voilà. C'est censé être le premier texte écrit en français. Tout à fait, et si je le lis, c'est « Pro Deo Amour et Pro Christian Poblo et Nostro Commun Salumant ». Bon voilà, c'est pas rien. Forcément à ça, à quoi on s'attend quand on dit que c'est le premier texte écrit en français. Ça nous montre que c'est difficile de faire justement des dates de quand ça commence, parce que il y a le latin qui est lui-même une rencontre de plusieurs langues qui évolue énormément entre, l'époque cicéronienne et puis les évolutions du latin, et le passage du latin au français ne s'est pas fait d'un seul coup. Alors pourquoi on décide que c'est ce texte-là qui est le premier texte en français? Ah, parce qu'il faut bien mettre des dates et à des moments aussi, parce que c'est surtout un texte militaire qui avait une importance historique assez symbolique, et donc c'est pour ça qu'on a décidé que c'était la naissance du français, mais c'est très contestable. En fait, ce sont les petits-fils de Charlemagne, deux s'associent contre le troisième. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on trouve dans ces fameux serments de Strasbourg. Tout à fait. Chacun prête serment dans la langue de l'autre. Et donc c'est effectivement un traité qui a surtout une importance historique militaire très grande. et on appelle ça la naissance du français, mais on aurait pu choisir une autre date. En fait, pendant plusieurs siècles, en Europe, plusieurs langues issues du latin se sont développées et ont donné le français actuel, l'italien actuel, l'occitan. Toutes ces langues dérivent du latin. Oui, on pourrait très bien dire que ce sont des dialectes du latin, chacun ayant eu son autonomie. Il y a un linguiste, Bernard Cercoglini, qui dit que le français est une langue orpheline parce que ce serait celle qui se serait le plus tôt détachée du latin pour prendre son indépendance. Mais voilà, on appelle ça des langues, on pourrait dire que ce sont des dialectes et qu'on continue à parler latin d'une certaine manière. Ça veut dire, alors c'est quoi la différence entre dialecte et langue? Ah, ça c'est une grande question en linguistique. Alors la réponse un petit peu facile, c'est de dire qu'une langue, elle a une école et une armée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que au fait, d'un point de vue linguistique, c'est souvent difficile de faire la différence. C'est juste que le mot langue est plus reconnu, a une connotation plus positive que le mot dialecte. On pense un peu à des sous-langues quand on dit dialecte. Donc quand vous dites à une armée, en fait c'est un pays qui a une puissance politique, militaire, il peut dire qu'il a une langue. Tout à fait. Et puis aussi, quand la langue ou quand ce dialecte est reconnu par l'école et enseigné en tant que tel, et donc comme une vraie langue. Petit à petit, le français s'est transformé pour devenir la langue que nous connaissons aujourd'hui. Au XIe siècle, donc déjà quelques siècles après les serments de Strasbourg, à quoi ressemblait le français? Un autre aperçu avec le texte d'un poème, la chanson de Roland. Carlos Lireis, notre ensporeur magne, 7 ans tout plein a été en Espagne. 13 quand la mer conquit la terre alteigne, n'y a Castel qui devant lui remaigne. Mur ne cité, n'y est remet à freindre, fort Saragousse qui est en une montagne. Lireis Marsili la tient, qui d'eux n'aime, n'en aime. On pourrait dire que ça se précise un peu, là, Elia Véron. On commence à identifier quelques mots, mais ça reste une langue très différente du français qu'on parle aujourd'hui. Tout à fait, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a souvent des éditions qui sont modernisées, mais le français n'a cessé d'évoluer, que ce soit voilà son vocabulaire, sa prononciation, sa syntaxe aussi, son orthographe. On dit souvent, on va sans doute en parler, la langue de Molière. Oui. La langue de Molière. On ne se doute pas que on n'a pas forcément conscience de ce que c'est la langue de Molière. Quand des gens me disent ne touchez pas à la langue de Molière, j'ai envie de leur dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment revenir à ça? Parce que si on prend l'orthographe de la langue de Molière, et ben par exemple l'orthographe s'écrit avec un F. Dans des éditions du Misanthrope, c'est seulement avec un T. Des fois, si on prend par exemple une page de Molière, on en a mis un extrait dans notre livre pour comparer, on peut voir que l'orthographe va varier dans la même page. Il y a des tildes, il y a très peu d'accents circonflexes. Voilà, ça nous montre que la langue évolue. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque de Molière, il n'y avait pas encore de dictionnaire. Donc tout ça était beaucoup plus flou, pas de grammaire, pas de dictionnaire. On écrivait de façon plus libre, finalement. Oui, c'était pas codifié de la même manière et l'idée de variante était bien plus admise. C'est comme pour les langues régionales. Par exemple, quand on rééditait un livre dans une autre région, c'était normal de rajouter des variantes régionales. Alors l'invention du dictionnaire n'a pas figé la langue pour autant. Une façon parmi d'autres de voir la langue évoluer, alors là on est beaucoup plus actuel, c'est d'écouter les dialogues dans les films. En l'espace de 40 ans, ça peut beaucoup changer. J'ai quand même plaisir de te revoir, vieux voyou. Et j'ai eu souvent peur de clamser là-bas au milieu des macaques, sans avoir jamais revu une tronche amie. C'est un bâtard ce gars-là, il voulait même pas manger le volant, c'est marrant, wesh. Pas grave, t'en bats les couilles, mais je la préfère comme ça, heureusement que t'as pas fait le volant. Ah, la chétane, t'es folle ou quoi? Je suis revenu pour canner ici, et pour me faire enterrer à Pantin avec mes vieux. Elle est belle comme ça, touche la même plus. Elle est charmée. Ah, mais tu... sérieusement. Elle est super belle. Les Amériques, c'est chouette pour prendre du carbure, mais question de laisser ses os... Y'a que la France. La tête de ma mère, elle est grave belle. Sérieux? Elle est kiffée. Voilà, ça me fait plaisir. Et je décambute bêtement et je laisse une mouflette à la traîne. Il te l'a pris cher ou quoi? 60 euros la putain de sa mère. Fais tomber 100 sacs autobib. Et au point de vue oseille, je te laisse de quoi faire ce qu'il faut pour la petite. T'as eu? J'avais le seum. Ah, tu sais combien ça laisse une roulette? 60% de velours. Au moins, elle est belle et t'as pas carotte. Saumon, franchement, c'est de la balle. Vous avez reconnu sûrement les deux films mixés par notre réalisateur David Leprince. Il s'agit des Tontons Flingueurs, bien sûr, film de 1963, et de L'Esquive d'Abdelatif Kechiche de 2004. Seulement 40 ans séparent ces deux films et on a vraiment l'impression, alors c'est pas une histoire uniquement d'époque, c'est aussi une histoire de milieu social, mais on a l'impression que ces deux personnes qui parlent le français auraient du mal à se comprendre. Oui, et puis juste pour rajouter, L'Esquive narratif, c'est aussi une reprise du jeu de l'amour et du hasard, oui, de Marivaux. Donc, avec cette idée que les langues peuvent dialoguer, que les langues du français peuvent dialoguer, c'est un assez bon exemple aussi. Et où déjà, d'ailleurs, dans Marivaux, les classes sociales se comprennent pas forcément, hein, et puis ça recommence dans l'esquive. Oui, ça nous montre l'évolution des langues, et puis l'évolution aussi de la langue à la mode, parce qu'en fait, ce qui va surtout, oui, évoluer très vite, c'est les mouvements de mode. Ça, c'est la langue à la fois une langue très créatrice qui permet de créer plein de mots, mais qui va aussi être éphémère. Des fois, il y a des phénomènes de mode, et il y a certains mots qui passent, qui meurent, mais aussi qui reviennent. Là, on parle un peu d'argot. Par exemple, dans l'argot populaire, il y a certains mots comme daron, daronne. Oui. On a l'impression qu'ils sont contemporains. Au fait, ils ont à un moment été à la mode, à un moment été jugés ringards, à un moment on a pensé qu'ils ont disparu, puis ils reviennent. Ouais. Ça montre à quel point une langue est protéiforme. On imagine la difficulté du linguiste, alors qui reviendrait peut-être dans 200, 300 ans et qui essaierait de savoir quelle langue on parlait en France à la fin du XXe siècle et qui aurait ces deux films à regarder. Il aurait une vision bien parcellaire et il serait certainement assez perplexe devant ce qu'était le français à cette époque. Bon, il essaierait de croiser plusieurs supports déjà, j'imagine, ouais, et plusieurs corpus, et pas juste celui-là. Mais maintenant, justement, on a des corpus, et notamment on a des corpus oraux, alors que pour certaines époques, on a que de l'écrit, pas beaucoup, et surtout que de l'écrit. Maintenant, la grande chance pour étudier, c'est qu'on a des enregistrements de l'oral. Ça, c'est un énorme changement, ouais, en linguistique. C'est ça. À notre époque, on a beaucoup plus de données, mais finalement, quand on considère ce que l'on a pour les époques passées, on a une vision vraiment très limitée de ce que peut être une langue. C'est toute la difficulté. Oui, parce que souvent, on réduit la langue à l'écrit. Et on a certains supports écrits, alors que... Et souvent, on a une vision de l'oral, un peu juste comme ce qui vient doubler de manière dégradée l'écrit. Et bien sûr, ce n'est pas vrai. Et il nous manque plein de choses. On en parlait avec ma collègue Maria Candéa. Il y avait des gens qui disaient, par exemple, qu'on pouvait reconstituer une voix, par exemple, de Louis XIV en reconstituant sa mâchoire, ce genre de choses. Mmh. Mais ça suffit pas parce que, par exemple, la voix, elle va pas se définir juste d'un point de vue, comment dire, physique, mais aussi dans les rapports d'imitation, dans les rapports sociaux, avec les autres personnes. Ouais. Et ça, maintenant, on peut avoir des idées grâce au enregistrement, au film, pour notre époque, mais on ne le sera jamais pour les époques antérieures. Les époques ont des accents. Tout à fait. Perdu à jamais pour celles qui n'ont pas été enregistrées. Tout à fait. Alors le français évolue. Est-ce qu'il évolue à la même vitesse aujourd'hui qu'il évoluait il y a quelques années? Est-ce qu'on a une idée de la vitesse à laquelle évolue la langue? Il y a des facteurs nouveaux. Plusieurs facteurs, en tout cas, qui peuvent dire qu'il y a une évolution particulière. Ça va être notamment le numérique. Le numérique qui va jouer aussi sur les frontières écrit-oral, qui va faire qu'il y a des phénomènes de communication beaucoup plus rapides. Et puis, il y a actuellement une influence qui est assez particulière, c'est celle de l'anglais aussi. Mmh. Parce que le français a toujours emprunté à d'autres langues, a emprunté aussi à l'anglais, mais c'est vrai qu'actuellement l'anglais est une langue hyper centrale avec une domination qui n'a jamais existé auparavant et qui est facilitée par tous ces supports numériques. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à ces influences avec les autres langues. Certains s'inquiètent des évolutions récentes du français. Là, Elia Véron, je vous propose d'écouter un extrait qui, j'en suis sûr, devrait vous ravir. Il s'agit, d'un extrait de l'émission Réplique de France Culture. Forcément, Alain. Animé par Alain Finkielkraut, élu à l'Académie française. À son micro, l'écrivain Jean-Michel de la Comté. Oh non. Je suis très frappé du fait que la littérature que je dirais visible aujourd'hui est globalement rabougrie. Et donc une langue qui ne respire pas est une langue qui se contracte et qui meurt. Et que notre langue en tant que telle puisse mourir, ça me semble évident. Oui, c'est ce que dit Flaubert. Donc, la langue meurt, c'est le vocabulaire qui se rétrécit, la syntaxe qui s'affaisse. Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous avez des exemples à donner de ce déclin, Jean-Michel de la Comté? Comme symptôme, oui, il suffit de lire la plupart des livres ou des romans, si vous voulez, qui sont mis en valeur. Il suffit d'écouter, bien évidemment, le discours des général des médias, il faut le dire. Naturellement, j'ai besoin de le souligner, il suffit de s'intéresser un tant soit peu à la langue des réseaux sociaux. Il s'agit également de s'intéresser un tant soit peu à la langue écrite. Et enfin, et je dis enfin, c'est pas limitatif d'ailleurs en vérité, il suffit d'avoir un peu enseigné pour s'apercevoir à quel point l'écrit de la langue, l'écrit pas seulement l'oral, donc l'écrit de la langue écrite est dans un état de déshérence fréquent qui est tout à fait catastrophique. Un état tout à fait catastrophique, l'écrivain Jean-Michel de la Comté au micro d'Alain Finkielkraut sur France Culture en 2018. Là, Elia Véron, notre langue se rabougrit-elle, comme il le dit? Faut-il vraiment s'inquiéter? Notre langue est-elle en train de mourir? Moi, je pense que c'est eux qui sont un peu rabougris et que ce qui est catastrophique, c'est que des gens puissent dire ça sans qu'on vérifie scientifiquement leur dire, parce que Jean-Michel Delaconté, il a écrit un livre de Quel amour blessé en 2018. Il raconte n'importe quoi. Au fait, il confond son propre ressenti sur la société. Il a le droit d'être inquiet, de pas aimer vieillir et des remarques générales sur la langue. Mais il a fait aucune étude scientifique et il affirme des choses qui sont complètement fausses. Par exemple, pour vous donner un exemple, il dit quand même que de son temps, les jeunes n'inventaient pas de nouveaux mots. Bon, ça, c'est absolument n'importe quoi, bien sûr, que de son temps, les jeunes inventaient des mots. Et ça, ce sont des gens qui vont, surtout sous prétexte de défendre la langue française, déverser leurs fantasmes et leur haine des jeunes, des réseaux sociaux, des immigrés, parce qu'Alain Finkielkraut n'est pas en reste pour ça, quitte à dire absolument n'importe quoi sur la langue. Ce ne sont pas des gens qui aiment la langue, ce sont des gens qui prennent la langue comme prétexte. Ouais. C'est une inquiétude qu'on retrouve à toutes les époques, ces gens qui s'inquiètent pour ce que va devenir le français. Alors oui, ça c'est une inquiétude vraiment qu'on peut retrouver depuis le XVIe siècle, hein, presque. Et vraiment, on va avoir toujours cette même idée avec les cibles récurrentes, les jeunes notamment. Ouais. Et après, moi, c'est une inquiétude que je peux comprendre. C'est normal qu'on ait l'impression à des moments que la langue nous échappe. C'est normal que certaines évolutions inquiètent. Et on peut critiquer certaines évolutions de la langue. Après, dire par exemple que le français va mourir alors que c'est une des langues les plus puissantes, qui a plus de 300 millions de locuteurs et de locutrices francophones, c'est juste faux. Donc faisons attention à juste cibler de quoi on parle, qu'est-ce qu'on critique. Comment a évolué l'orthographe? Les règles concernant la place du féminin et du masculin dans notre langue ont-elles toujours été les mêmes? Nous allons continuer de nous intéresser aux évolutions du français avec vous, Laëlia Véron, cet après-midi. Oh, c'est bien les dictionnaires, parce qu'il y a plein de mots, il y en a quelques-uns qui sont très jolis. C'est vrai, il faut bien le dire. Aquarium, récipient dans lequel on entretient des plantes et des poissons. Marqué, on se dit bien qu'on peut y mettre des patates et des clés de douze. Enfin, franchement, il y en a qui sont fastoches, je pourrais les virer, moi, j'ai le monde. Boulangiste. Quand je dis boulanger, comment vous dites-vous? Boulangiste. Partisan du boulangisme. Ben, j'aime autant. Non, non. Ah oui, non, parce que ça a tout me bousculer, cette histoire. Alors après, on serait allé chez le bouchiste. Chez le charcutiste. Et alors, du coup, hop, chez le drogué. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime. Ne prends qu'un aime. Par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là, y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau. C'était En relisant ta lettre de Serge Gainsbourg. France Inter. Alors je ne dis pas chez le barbier, mais au barbier. Mais non, c'est le contraire. Vous ne dites pas au barbier, mais chez le barbier. Du vent dans les synapses. Et de même, vous ne dites pas bien le bonjour. Mais la place m'est heureuse à vous y rencontrer. Daniel Fievé. À l'origine de l'orthographe, vous savez, ça a été une invention des imprimeurs, enfin des maîtres imprimeurs, pour que tout le monde ne soit pas imprimeur. Enfin, la défense d'un monopole. La défense d'un monopole, que l'orthographe soit quelque chose de compliqué et d'extrêmement difficile pour qu'on monte dans les grades, enfin, des corporations, enfin, d'apprentis, de maîtres. Quand on pense que jusqu'à cette réforme tant honnie de 1901, je crois, on se faisait recaler au baccalauréat parce qu'on mettait, je sais pas, un mot en centrée d'union, enfin, ça faisait une faute ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas ça, la langue française. En s'obstinant à défendre comme ça la place du tréma sur le ou l'u, enfin, ou des niaiseries comme ça, tout d'un coup, il faut bien constater que la langue parlée est totalement différente de la langue écrite. L'écrivain Raymond Queneau, en 1962, voilà un extrait qui doit davantage vous plaire. Laëlia Véron, vous publiez avec Maria Candéa « Le français est à nous » aux éditions La Découverte. Il dit vrai lorsqu'il dit qu'on a inventé l'orthographe pour faire plaisir aux imprimeurs ? Pas seulement aux imprimeurs, mais c'est vrai que pendant longtemps, on a distingué le fait d'écrire et de mettre l'orthographe. Ce qui n'est pas du tout une distinction qui est habituelle pour nous. Il y avait écrire et mettre l'orthographe, c'était réservé à certaines personnes, aux spécialistes, aux imprimeurs, aussi peut-être aux académiciens. Et c'était une sorte de monopole et de privilège. Mais il y a pas mal d'écrivains qui, par exemple, ne se souciaient pas du tout de mettre l'orthographe. Stendhal disait que c'était la divinité des et effectivement, certains, pour défendre ce monopole, l'ont complexifié. L'Académie, il y a une citation qui est célèbre, disait qu'il fallait choisir des variantes orthographiques qui permettaient de ne pas donner l'orthographe, je cite, aux ignorants et aux simples femmes. Donc on appréciera. Ouais. C'était une manière, effectivement, de ne pas donner l'orthographe à tout le monde. Mais là, ça, c'est-à-dire qu'on a des écrits, c'est prouvé. Ah, oui, au moment de figer l'orthographe, notamment avec ses dictionnaires, l'Académie française a volontairement complexifié les choses. Tout à fait. Alors, bon, il y a eu des évolutions, hein. Ça dépend des académiciens, ça dépend des périodes. À des moments, l'Académie est allée dans le sens de certaines réformes orthographiques. Mais on va dire, pour résumer, que quand même, c'était très souvent choisir les variantes les plus difficiles avec, oui, c'est ce but-là qui était affiché. Donc, quand on nous dit, vous projetez de la politique dans la langue actuellement, que ce soit les féministes, que ce soit les linguistes. Non, non, ça a toujours été des débats politiques et on a effectivement des sources qui le prouvent. Alors, vous n'êtes pas tendre, hein, faut le dire, dans votre ouvrage avec l'Académie française. À un moment, vous posez la question, à quoi sert l'Académie ? Il y a un long développement et la conclusion, c'est ça ne sert à rien, on pourrait très bien s'en passer. Oui, mais alors là, encore une fois, c'est tout à fait prouvable. Hein. Par exemple, l'Académie est censée faire un dictionnaire, le dernier date de 1930. Donc bon, le temps qu'il soit à jour, il sera caduque. Pour l'instant, on a les dictionnaires du Robert, du Larousse ou d'autres éditions privées. Donc elle ne fait pas son travail de faire un dictionnaire. Et tout simplement, l'Académie n'a aucun linguiste. Bon, là, il y a Barbara Cassin qui s'y connaît un peu plus, mais sinon, absolument aucun linguiste. Donc ce sont des gens incompétents qui se choisissent entre eux par cooptation. Il y a Valéry Giscard d'Estaing, il y a un ancien théologien, un ancien biologiste, ce sont peut-être des gens très sympathiques, mais ou pas, mais je ne vois pas ce qu'ils ont à dire d'intéressant sur la langue. Mmh. Et donc il ne faut rien d'intéressant si ce n'est des déclarations néfastes à répétition, avec des belles métaphores dramatiques. L'écriture inclusive, c'était un péril mortel, les langues régionales, ça va nous entraîner vers le Kosovo, etc. etc. C'est toujours ce même discours dramatique-là, et le poids médiatique de l'Académie n'a rien à voir avec leur légitimité et même leur action, parce que ce ne sont pas eux qui font des dictionnaires, ce ne sont pas eux qui décident au fait des termes qu'on va employer, c'est plutôt la délégation à la langue française et aux langues de France qui est bien moins connue, mais ce ne sont pas eux qui font le travail. Hein. L'Académie ne fait rien, en fait, que avoir des jolies épées et puis voilà, des jolies finances aussi. Bah les voilà habillés avec leurs épées pour l'hiver. L'orthographe, qu'est-ce qui explique ? Parce qu'il n'y a pas que les académiciens qui râlent sur l'orthographe, l'évolution de la langue. Beaucoup de gens s'émeuvent devant l'orthographe, parfois un petit peu fantaisiste de certains. Qu'est-ce qui explique, vous interrogez ça dans votre ouvrage, qu'est-ce qui explique qu'on soit si attaché, en tout cas pour certains, ceux qui la maîtrisent, à une bonne orthographe ? Déjà, on croit tout le temps que ce sont les autres qui font des erreurs d'orthographe, alors qu'en réalité, si je vous fais des petites dictées sur l'accord du participe passé avec des cas particuliers, tout le monde fait des erreurs d'orthographe. Après, tout le monde ne fait pas le même volume d'erreurs. Et c'est normal qu'on soit attaché à des formes qu'on a apprises, quelquefois avec difficulté. Ben, tout simplement, c'est un capital culturel qu'on a acquis quelquefois chèrement. Et on a l'impression qu'on va nous enlever quelque chose d'important. Simplement, moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas confondre l'orthographe et la langue. Et il faut distinguer dans l'orthographe qui est nécessaire à l'expression d'une pensée, par exemple celle qui va marquer des accords, qui vont montrer des rapports entre les mots, et à des moments des variantes orthographiques inutilement compliquées. Et un exemple, c'est la répétition ou pas des consonnes. Par exemple, en français, on a honneur avec deux N et honoré avec un N. Ça n'a absolument aucun sens. Ça, c'est pas une complexité intéressante. Moi, j'aime bien la complexité, mais lorsqu'elle a un intérêt. Ouais. Lorsque c'est juste compliqué pour faire compliqué et que ça va juste freiner l'accès pour certaines personnes à l'écriture, à la parole, je trouve pas ça très intéressant. Elle a été réformée souvent ou davantage par le passé, l'orthographe ? Oui, on croit encore une fois que ce sont des lubies contemporaines de réformer l'orthographe, alors que non, c'est normal, notre prononciation évolue, donc l'orthographe évolue. Il y a toujours eu des réformes orthographiques, mais là, ça bloque particulièrement. Il y a des réformes orthographiques qui ont été décidées en 1990 et qui ne sont toujours pas réellement complètement passées. Mmh. Mais des fois, on se doute pas qu'il y a des variantes. Vous prenez le Robert et le Larousse, des fois, il n'y aura pas les mêmes choix orthographiques. Ouais, tous les mots ne s'écrivent pas pareil. Et là où ça se complique encore, c'est lorsque de nouveaux mots pointent le bout de leurs lettres dans les dictionnaires. Nous avons par exemple vegan, bolos, ce sont des mots qui ont récemment émergé dans la langue française. Pour ceux qui écrivent les dictionnaires, comment on écrit ces nouveaux mots ? Ça, je trouve que c'est une question passionnante. En fait, je fais aussi un podcast sur la langue qui s'appelle Parler comme jamais. On avait fait justement un épisode sur les dictionnaires et une lexicographe du Robert nous disait par exemple que pour le mot arrobase, la grande question c'était est-ce que c'est féminin ou masculin ? Et comment décider de ça, par exemple ? Eh oui. Comment décider le genre du mot ? Qu'est-ce qui a été tranché à ce sujet-là ? Eh bien, je ne sais pas. Bonne question. J'aurais dû lui demander. Mais sinon, comment est-ce qu'on décide une orthographe ? C'était très intéressant sur le mot bolos, par exemple. Eh bien, on va déjà voir les corpus, les gens qui l'emploient, par exemple, sur Internet, quelle est la variante la plus fréquemment admise. On va essayer de faire des régularités par rapport aux mots qui existent déjà en français. On va essayer de voir par rapport à la prononciation. Et des fois, il y a plusieurs choix. Et c'est l'usage qui va finalement trancher. Aujourd'hui, bolos, ça s'écrit BOLO2S. La plupart du temps, oui, c'est la variante qui est entérinée. On rappelle la définition pour les personnes qui ne sont pas encore au fait à la page du dictionnaire. La définition du mot bolos, je dirais, c'est une insulte, quoi. Sale bolos, sale tocard, crétin, etc. Mais des fois, les dictionnaires sont bien en retard, hein. Un exemple que je donne souvent, c'est le mot crevard. Pour vous, ça veut dire quoi, crevard? Quelqu'un qui fait un peu pitié ou qui est un pauvre type, quoi. Voilà, aussi une insulte. Et alors que dans pas mal des dictionnaires que j'ai consultés, crevard, il y a toujours un peu l'ancienne définition du mot, c'est qu'il va crever. Ah oui. C'est un bébé qui n'a pas beaucoup de chances de survivre. Donc voilà, des fois les dictionnaires sont aussi en retard sur l'usage. Ah oui. Alors, il y a aussi une question passionnante que vous abordez. On parle souvent de la féminisation de la langue française. Vous vous dites, et de façon beaucoup plus juste, il faudrait parler de démasculinisation. Parce qu'en fait, et c'est là où c'est assez édifiant, on se rend compte que entre le 17e et le 19e siècle, on a très mal traité le féminin dans la langue française. Oui, on a choisi, et nous ne sommes pas les seuls, de parler de démasculinisation, parce que féminisation, on dirait que c'est nous maintenant qui voulons toucher à la langue et mettre du féminin partout. Et on essaye, avec le mot démasculinisation, d'attirer l'attention sur tout simplement l'histoire de la langue et le fait qu'il y avait beaucoup plus de formes au féminin, que ce soit des noms de métiers, que ce soit des participes présents, genre Marie lisante à sa fenêtre, qui ont été attaqués, encore une fois pour des raisons politiques. Hein. Je cite Bozet qui disait que le genre mâle est plus noble que le genre femelle. Et donc des mots ont été attaqués, par exemple le mot autrice, des règles ont été attaquées, par exemple l'usage qui voulait qu'on accorde aussi avec ce qu'on appelle l'accord de proximité et pas seulement avec le masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc il y a eu un vaste mouvement contre les marques du féminin dans la langue du 17e au 19e, hein, c'est des processus qui prennent un peu de temps et là on a un contre-mouvement. Mais quand vous dites des mots ont été attaqués, comment on attaque un mot ? Comment ça se passe concrètement ? Eh bien en disant justement qu'il est sale, qu'il est laid, le mot autrice a subi particulièrement les foudres, par exemple de l'Académie. Le mot peintresse a aussi été attaqué. Dans le même temps, on a limité la place des femmes à l'Académie royale de peinture. C'est aussi intéressant, ça nous montre que les mots et les actions vont de pair. Le mot peintresse existait. Tout à fait, ouais. Comme philosophesse. Incroyable. Comme doctoresse. Ouais. Et maintenant, quand on essaie de les remettre sur le devant de la scène, on dit que c'est complètement aberrant. Oui, voilà. Mais vraiment, autrice est un bon exemple parce que c'est un mot qui vient du latin, qui est complètement régulier, qui a des équivalents dans d'autres langues comme en italien, qui est attesté depuis très longtemps et on nous dit vous inventez des mots. Ben non, ouvrez un dictionnaire étymologique, vous verrez qu'on n'invente pas du tout de mots. La langue peut être utilisée pour asseoir son pouvoir ou sa domination, d'où l'intérêt d'effacer certains noms féminins. D'ailleurs, dans le dictionnaire de l'Académie française, on ne trouve pas le mot chirurgienne. Oui, mais par contre, on trouve pharmacienne. Donc, vous voyez, ça n'a aucune logique linguistique parce que les deux mots se forment de la même manière. Mais c'est souvent une logique sociale parce que l'Académie, pendant longtemps, a refusé la féminisation des noms de métiers, mais seulement ceux qui étaient jugés en haut de l'échelle sociale. Oui. On ne voulait pas présidente. Par contre, boulangère, ça va. Un exemple assez emblématique. Nous sommes en octobre 2014 sur les bancs de l'Assemblée nationale. Passe d'armes entre la députée socialiste Sandrine Mazetier, qui est alors présidente de séance, et le député UMP Julien Aubert, qui refuse de l'appeler Madame la présidente. Le 129, Monsieur Aubert. Merci, madame. J'en profite en introduction, puisque vous m'avez... Non, madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé. Non. Alors... Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est madame la présidente. J'utilise les termes de l'Académie française. Rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, madame le président. Avec inscription au procès verbal, vous aurez été prévenu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que la madame la présidente, c'est la femme du président. Et non, madame mais le règlement de l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Ce rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal a bien eu lieu. Il a entraîné la privation pendant un mois du quart de l'indemnité parlementaire pour ce député du Vaucluse récalcitrant. Il dit beaucoup de choses, cet extrait. On n'est pas dans l'anecdotique. Là, c'est un vrai bras de fer avec une femme qui demande à avoir autant le droit de citer dans cette assemblée. Tout à fait. Il me semble que d'ailleurs après elle l'a appelé monsieur la députée, ce que je trouvais assez drôle comme réplique. Et après il y a eu aussi le bras de fer a continué puisque si mes souvenirs sont bons, Julien Aubert et ses petits camarades ont publié une tribune dénonçant le nouveau totalitarisme féministe et disant en même temps que c'était des questions qui n'intéressaient pas les Français. Moi c'est toujours ces réactions me sidèrent un peu puisque c'est des gens qui nous disent à la fois que ce sont des sujets anecdotiques, et à la fois ont ces réactions complètement démesurées. Et si c'est anecdotique, pourquoi ne pas l'appeler Madame la Présidente comme elle le demande ? Ça prouve bien que c'est pas tellement anecdotique. Ouais. Comment on peut faire évoluer une langue ? Ça se décide, on peut militer. Comment on fait évoluer une langue ? Ça, je trouve que c'est une question vraiment passionnante parce qu'on dit tout le temps l'usage l'emporte. Et il y a à la fois l'usage dans le caractère massif, si tout le monde le décide. Et en même temps, il y a aussi des lieux de pouvoir, des institutions, des personnes qui peuvent essayer d'influencer l'usage, de donner des coups de pouce. Qu'est-ce qui va faire vraiment évoluer une langue ? Eh bien, c'est si l'usage et au moins certains de ces lieux de pouvoir vont être en accord. Un bon exemple, c'est le mot féminicide. Parce qu'au départ, il a été surtout utilisé dans des cercles militants. Et là, il connaît vraiment une expansion phénoménale. Et pourquoi ? Parce qu'il a été repris par certains lieux de parole de pouvoir, comme les médias. Dans une certaine mesure, la justice s'est interrogée aussi sur son emploi. Il y a une procureure qui l'a employé. Donc, il y a eu conjugaison et ce qui a permis de répandre cet usage. Les autres lieux de pouvoir, ce sont aussi l'école, ce sont aussi tout ce qui est administratif, et puis bien entendu des institutions comme l'Académie française, comme la délégation à la langue française et aux langues de France. Et puis il y a aussi le choix des lexicographes qui, en entérinant un mot, lui donne malgré tout une légitimité et vont pouvoir donner ces petits coups de pouce symboliques. Par exemple, le féminicide est entré dans le Robert. Et puis, dans les dictionnaires, il y a aussi la définition que l'on donne aux mots. Si on compare dans différents dictionnaires, c'est très politique, la façon dont on définit certains mots. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne se doute pas, parce qu'on a l'impression que le dictionnaire, c'est neutre, c'est bon. Comment est-ce qu'il s'écrit ce mot ? Comment est-ce qu'il se définit ? Regarde dans le dictionnaire, alors qu'on ne sait pas que si on passe d'un dictionnaire à l'autre, on aura des définitions complètement différentes. Et des fois, il y a des batailles. Très récemment, là, il y a eu quelque chose qu'on a surnommé le Larousse Gate, quand des gens se sont rendus compte qu'il y avait des définitions très sexistes dans le Larousse. Mais ça concerne tous les dictionnaires. Pour le Robert, il y avait aussi une polémique parce que le mot frotteur était entré dans le dictionnaire, mais avec une définition, on va dire, pas mal euphémisante, personne qui recherche la promiscuité érotique dans les transports en commun. Ouais. Et des usagères et usagers ont souligné que bon, il y avait quelque chose qui manquait dans cette définition, notamment le caractère d'agression sexuelle. Pour le moins, oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les lexicographes ont écouté, ont dit que le mot allait être corrigé, et donc il y a ces allers-retours, ces discussions autour des mots, et c'est comme ça aussi que la langue se fait. Oui, le français est à nous, c'est le titre de votre ouvrage. Un dernier mot sur le métissage des langues, ça fait aussi partie des inquiétudes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'échanges de langues ? Alors, on parle souvent des anglicismes, on dit aussi qu'il y a beaucoup de mots arabes qui arrivent aujourd'hui dans la langue française. Est-ce que c'est une source d'inquiétude ou là encore, on joue à se faire peur ? Il y a toujours eu peur des emprunts étrangers. Avant, c'était les italianismes. Maintenant, effectivement, c'est beaucoup les mots qui viennent de l'anglais et de l'arabe. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Une langue vit aussi de ses emprunts, vous disiez métissage. Alain Rey parle de la grande métisserie. Mmh. Pour parler de la langue, c'est pour prendre un néologisme, c'est aussi une jolie image. Donc, on ne peut pas aller contre le fait qu'il y aura des emprunts. Après, c'est normal d'être agacé par certains mots marketing qui sont très souvent en anglais. Mais dans ces cas-là, il faut en tirer... marketing, ça sonne voilà, un peu anglais. J'ai fait un peu exprès. mais dans ces cas-là, il faut en tirer des conséquences. Si on n'a pas envie d'emprunter plein de mots étrangers, notamment anglais, eh ben, il va falloir assumer de faire des néologismes en français et de créer des nouveaux mots en français parce que le monde évolue, il y a des nouveaux éléments, il faut les nommer. Donc, si on n'aime pas les mots anglais qui viennent de l'anglais, d'accord, mais il va falloir accepter des mots comme malaisant. Oui, c'est un joli mot, malaisant. Moi, je trouve. Ouais. Alors, il faut être pour ces nouveaux mots qui viennent irriguer notre langue. Ben, c'est comme ça que les mots se forment et c'est quand même formidable de pouvoir jouer avec des préfixes, suffixes, des mots composés. Voilà, si vous n'aimez pas spoiler, eh bien, il y a divulgaché qui est un mot valise. Il faut l'un ou l'autre. Merci Laëlia Véron, c'était Merci. Passionnant. Je rappelle le titre de votre ouvrage coécrit avec Maria Candéa, Le français est à nous aux éditions La Découverte. Et puis le titre de votre podcast aussi, Parler comme jamais, tout à fait. À découvrir où on vous entend raconter comme ça les évolutions de la langue. Un grand merci à vous. Merci. En deuxième heure avec l'astrophysicien Sylvain Chatty, nous parlerons vols spatiaux habités et colonisation de l'espace. Et dans un instant, le psychiatre Serge Tisseron nous dira comment, selon lui, les machines parlantes comme les enceintes connectées pourraient bouleverser nos sociétés. C'était Around the World, Daft Punk. France Inter, du vent dans les synapses. Avec Michel, on a acheté un assistant vocal. C'est ces petits appareils que tu branches à Internet, tu sais, ça ressemble à une enceinte. Tu peux lui demander quel temps il va faire demain, s'il faut mettre la musique, si ton frigo est plein. Bah, enfin non, je suis confuse, mais enfin très peu pour moi. Pourquoi Michel, tu lui demandes pas tout simplement d'aller ouvrir la fenêtre pour voir le temps qu'il fait, d'aller ouvrir le frigo pour voir ce qu'il y reste, il va pas en mourir. Et puis mouchard en plus, parce qu'on se fait chier à acheter des rideaux, des persiennes, des volets, pour que le voisin ne sache pas ce qu'il y a chez nous. Et non, nous on achète un objet qui envoie toute notre vie privée à l'autre bout de la planète, avec des ondes. Alors si c'est pour avoir à la maison le KGB doublé de ma belle-mère, très peu pour moi, non. Catherine et Liliane, débattant de l'intérêt des enceintes connectées. Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Vous êtes psychiatre et membre de l'Académie des technologies et vous publiez « L'emprise insidieuse des machines parlantes » aux éditions Les Liens qui libèrent. Avec ce livre, vous nous alertez sur la façon dont les enceintes connectées, les chatbots, les assistants vocaux pourraient bouleverser nos sociétés. Vous parlez d'une révolution qui touche au cœur même de notre humanité. D'abord peut-être un mot pour préciser de quoi on parle et de quoi sont capables aujourd'hui ces nouvelles machines parlantes que vous évoquez dans votre ouvrage. Oui, alors elles ne sont pas capables de grand-chose. Hein. La petite séquence qu'on vient d'entendre nous l'a bien dit. Voilà, Alexa, dis-moi la météo, branche-moi sur une chaîne musicale. Aujourd'hui, les enceintes connectées ne peuvent que mettre en route des actions très simples. Alors, en revanche, les robots conversationnels qui vont arriver bientôt seront beaucoup plus sophistiqués. Chacun connaît Siri. Voilà, Siri déjà est capable de beaucoup de réponses différentes à la même question. Il y a des armées de non seulement d'ingénieurs, mais aussi d'écrivains, d'humoristes qui travaillent à fabriquer des réponses à nos questions. Et puis, à un degré de plus, il y a ce qu'on appelle le compagnon digital, qui lui a non seulement une voix avec des intonation, mais qui a aussi une apparence. Il apparaît sur notre smartphone, donc il a un genre, il peut changer de vêtements sur le temps qu'il fait à l'extérieur, puisque évidemment, tout ça est interconnecté. Et donc, du coup, cette évolution nous amène à quelque chose qui est loin d'exister encore, mais qui est l'évolution logique, c'est-à-dire le robot qui a une présence physique et avec lequel nous interagissons avec la voix. Et ce robot, évidemment, devient l'esclave de la maison. Oui, l'esclave de la maison est de plus en plus présent. Ces robots, vous citez des estimations qui ont été réalisées, 8 milliards d'appareils à l'horizon 2023. Alors là, on ne parle pas uniquement des enceintes connectées, mais c'est tous ces objets qui, plus ou moins, vont acquérir la parole. Voilà, alors ça va très très vite sur le plan technologique. Alors pourquoi ? Parce que, évidemment, nous en rêvons tous. Imaginez la difficulté qu'ont certaines personnes simplement à prendre un billet de train sur Internet ou devant une machine à la SNCF. Imaginez qu'on puisse parler et que la machine nous réponde très gentiment et nous donne ce qu'on lui demande. Ben, vous voyez la fascination extraordinaire qu'en auront les usagers. Oui. Donc ces machines, nous en rêvons, on peut dire même l'humanité en rêve depuis les origines de l'humanité, et tout d'un coup, elles arrivent, elles vont faire un tabac. Ce que je veux montrer, c'est que tout n'est pas aussi rose, qu'en contrepartie, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se modifier dans nos comportements, dans nos relations à nous-mêmes, nos relations aux autres. Et puis, des choses qui vont se modifier, peut-être auxquelles il nous faut réfléchir en amont, parce que si nous y réfléchissons, nous allons nous apercevoir que nous n'avons pas forcément envie que ça change. Oui, c'est-à-dire, vous nous dites, on en rêve, mais on ne se rend peut-être pas compte du prix que ça nous coûtera. Alors, ces machines pourraient nous isoler les uns des autres. Dans quelle mesure elles pourraient tous, en fait, nous enfermer dans une sorte de bulle? Oui, alors vous savez, l'idée d'une bulle numérique, l'idée des œillères numériques, c'est une idée qui a déjà été beaucoup argumentée par rapport à Google, par rapport à Amazon. Cette façon qu'ont ces fournisseurs d'accès de nous reproposer toujours des choses qui correspondent aux choix que nous avons fait avant. Une manière de tourner en rond finalement. Ben écoutez, ces œillères telles qu'Amazon ou Google nous les proposent aujourd'hui ne sont rien à côté des œillères que nous proposeront ces machines connectées. Il faut comprendre qu'elles seront très vite conçues, vous savez, comme les sites de rencontres en ligne. Dans les sites de rencontres en ligne, les machines constituent des profils des demandeurs et les machines à Paris, les demandeurs qui sont les plus proches l'un de l'autre, eh bien, ces machines parlantes vont constituer un double du numérique de nous. Et puis ce double numérique, constitué à partir de tout ce que nous avons dit à la machine, il va nous être proposé comme l'interlocuteur idéal. Et évidemment, on va s'y reconnaître, on va trouver que notre opinion est partagée, et pour cause, puisque la machine ne fera que nous la renvoyer en miroir. Oui, c'est ça, on dialogue avec un miroir qui est d'accord avec nous et qui en plus nous caresse dans le sens du poil, nous caline, voilà. Il y a beaucoup de raisons pour être câliné par ces machines. D'abord, parce qu'évidemment, personne n'a envie d'acheter une machine qui le contredise. Et puis d'autre part, il y a une autre raison, c'est que quand même beaucoup d'entre nous avons peur de la puissance des machines, de la puissance de l'intelligence artificielle, surtout dans la culture occidentale. Il y a toujours un peu Terminator, le fantôme Terminator. Alors, voilà, ces machines toujours agréables, toujours gentilles, toujours d'accord avec nous, c'est ce que j'appelle le règne de Kalinator, les machines qui vont constamment nous caresser dans le sens du poil pour que nous les achetions, mais aussi pour que nous ne pensions plus au formidable pouvoir des algorithmes qui vont de plus en plus diriger nos vies, sans que nous sachions ni très bien pourquoi ni comment. Mais dans quelle mesure ces futures machines parlantes pourraient modifier jusqu'à notre organisation sociale ? Oui, alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nos principaux interlocuteurs sont des interlocuteurs humains. Et on sait bien que les humains sont capables de nous contredire, puis ils sont peu prévisibles, souvent ils nous déçoivent. Mais nous nous en accommodons parce que finalement, nous n'aurons pas le choix. Alors, à partir du moment où nous allons avoir des machines qui vont être encore une fois à peu près toujours en accord avec nous, il est très probable que nous allons supporter de moins en moins d'être en désaccord avec des humains, ou plutôt que des humains sont en désaccord avec nous. Et on peut imaginer un monde dans lequel, petit à petit, certains préféreraient la compagnie des machines à la compagnie des humains, donc une sorte de robot-dépendance, et puis même peut-être des humains qui finalement diraient « mais qu'est-ce qu'on attend d'un interlocuteur ?» qui nous simplifie la vie. Donc, nos machines le font, pourquoi pas les humains ? Et du coup, les qualités des machines de fiabilité, de simulation, de régularité, ces qualités seraient promues comme des qualités humaines. Mmh. En d'autres termes, si vous voulez, le challenge aujourd'hui, c'est que à partir du moment où les robots, ou même les machines parlantes, vont nous permettre d'interagir avec eux, avec elles, comme avec des esclaves, la question c'est de savoir si c'est ces machines qui vont petit à petit s'humaniser, ou si c'est peut-être pas nous qui allons petit à petit nous robotiser en valorisant les compétences des machines sur les compétences humaines. Autre point sur lequel vous nous alertez, il y a évidemment cette vie privée que l'on offre à ces machines, le fait que, effectivement, ça revient à mettre des micros ouverts en permanence dans nos foyers, et ça va peut-être redéfinir un peu nos représentations de ce qu'est notre intimité. Oui, absolument. D'ailleurs, Google, Amazon, Apple ne se cachent pas de leur désir d'étendre la capture de nos données privées jusque dans notre intimité. Une enceinte connectée qui vous écoutera chanter une chanson sous votre douche, qui écoutera vos propos dans la chambre à coucher parce que vous n'aurez pas pensé à la débrancher avant d'aller au lit. Voilà. Donc, c'est vraiment ces machines sont de véritables chevaux de Troie qui vont être introduits dans nos maisons pour capturer de plus en plus de notre intimité, avec l'éventualité que finalement, nous ayons l'impression que la vie n'est pas différente pour autant, et peut-être l'idée d'accepter de plus en plus que notre intimité nous échappe, et en contrepartie de quoi ? En contrepartie de la sécurité. Et il est probable que de plus en plus de gouvernements dans tous les régimes du monde diront à leurs citoyens, écoutez, il faut choisir, soit vous gardez votre intimité, on ne peut pas vous assurer la sécurité, soit vous renoncez à votre intimité et on vous assure la sécurité. Mais en revanche, l'être humain a tellement besoin de croire qu'il a une intimité que même s'il n'en a plus, il continuera à être persuadé d'en avoir une. Autre point sur lequel vous nous portez à réfléchir, c'est à quel point ces machines pourront nous manipuler, ou en tout cas, ceux qui les conçoivent, ceux qui les contrôlent, pourront nous manipuler. Oui, alors tout le monde a en tête le scandale de Cambridge Analytica. Il ne faut pas oublier quand même un petit nombre d'Américains bien manipulés qui, semble-t-il, ont fait basculer le résultat d'élections nationales. Mais il faut comprendre que ça ne va pas forcément porter sur des choix très importants, sur des petits choix. Vous savez, la recherche et développement est tellement importante aujourd'hui dans le domaine de la robotique qu'il sera très tentant à des industriels qui fabriquent ces machines parlantes, ces robots, de faire des deals avec peut-être des fabricants de produits alimentaires, des fabricants de produits de beauté. Et finalement, lorsque vous vous poserez des questions devant votre machine, eh bien votre machine vous proposera un type de produit ou un autre. Et le problème, c'est que En plus, ces machines auront exactement ce même comportement lorsque vous leur demanderez les informations ou leur demanderez de vous raconter, de vous donner des précisions historiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez sur Google, vous posez une question, vous pouvez choisir de consulter la première réponse donnée par Google. En général, il y en a quelques milliers ou même quelques millions. Vous pouvez consulter la sixième, la septième. C'est ce qu'on conseille aux enfants. Vous savez, ne jamais se contenter de la première réponse donnée par Google. Consultez les autres. On consulte les autres. Pourquoi ? Parce qu'on les voit. Le problème avec les machines parlantes, c'est qu'elles ne vous feront qu'une réponse à vos questions et vous oublierez très vite qu'il y a d'autres réponses possibles. Alors, une fois qu'on a pris conscience de tous ces risques que pourraient engendrer ces machines parlantes, comment on installe des garde-fous ? Comment on fait en sorte que tout cela n'arrive pas ? Oui, alors le pouvoir législatif a un rôle fondamental à jouer. Hein. Il faut absolument que nos libertés privées soient beaucoup mieux protégées. Il faut, à mon avis, qu'il y ait la possibilité pour ceux qui achètent de telles machines, de supprimer un certain nombre d'informations s'ils le désirent. D'abord, savoir clairement à partir de quel moment la machine enregistre. Vous savez, aujourd'hui, simplement, c'est un petit voyant qui s'allume. Si la machine est dans notre dos, on ne fait pas attention. Ou un petit bip qu'on peut ne pas entendre. Donc, pourquoi ne pas prévoir, pourquoi ne pas imposer que lorsqu'une machine parlante et donc enregistrante se met en route, elle dise à haute et intelligible voix, « Bonjour, je me mets en route. À partir de maintenant, j'enregistre tout. Je transmets tout au serveur central. Mmh. Ça serait très clair. Deuxième chose, que les usagers puissent effacer certaines de leurs données. Alors, il semblerait qu'Amazon dit que c'est possible, mais il semblerait qu'en fait, ils les gardent quand même. Donc là, il y a une vraie lutte à mener pour que la machine ne transmette pas nos données aussitôt, mais les garde de telle manière qu'on puisse les réécouter et les effacer. Si, au moment où je pose une question à Alexa, tout d'un coup, un de mes enfants fait quelque chose qui ne me plaît pas, ou je me mets à avoir une dispute familiale, il faut que cette partie-là de ma vie personnelle, je puisse l'effacer. Actuellement, ça n'est pas possible. Donc ça, c'est le législateur qui peut nous en protéger. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les parents ont un rôle essentiel à jouer. Ne mettons jamais un enfant de moins de 3 ans devant une enceinte connectée. Vous savez, aujourd'hui, Google et Amazon font campagne aux États-Unis sur le thème de la toxicité des écrans en disant « Parents, achetez plutôt une enceinte connectée à vos enfants ». Mais c'est exactement les mêmes problèmes, plus un en plus, la capture permanente des données privées. Donc les parents ont une responsabilité à prendre, pas d'enceinte connectée avant 3 ans et pas de robot conversationnel avant 6 ans. On pourrait continuer après des âges de plus parce que les enfants ne sont pas en âge de comprendre comment les données personnelles sont transmises. Pour un enfant, son père parle, sa mère parle, l'enceinte connectée parle. Pour lui, c'est tout pareil. Merci Serge Tisseron. Pour poursuivre la réflexion, il y a votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il s'intitule « L'emprise insidieuse des machines ». Un grand merci à vous, Serge Tisseron. Merci à vous. Après le flash, nous avons rendez-vous avec l'astrophysicien Sylvain Chatty pour un voyage cosmique et futuriste. Avec lui, nous allons nous intéresser aux vols spatiaux habités et à la possibilité pour les humains de s'installer peut-être un jour ailleurs que sur Terre.